APF France Handicap en Loire-Atlantique, toujours mobilisée, la délégation du 44 lance une série de podcasts qui s'intéressent à plusieurs thèmes, toujours traités sous l'angle de la solidarité. Nous avons interviewé dernièrement l'économiste Henri Noguès, professeur émérite à l'Université de Nantes, pour qu'il nous parle de la crise à venir et de l'économie sociale et solidaire. Économie, quel avenir? C'est tout de suite. Nous allons mettre comme première aide économique immédiate pour les entreprises et pour les salariés 45 milliards d'euros. Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Nous inscrirons comme prévision de croissance en 2020 moins 1, c'est-à-dire une croissance négative. C'est une catastrophe pour tous les pays de la planète. Nous serons au rendez-vous pour que notre économie soit préservée dans cette période si dure. Paul Valéry, à la fin de la guerre 14-18, dans un ouvrage qui s'appelle « La crise de l'esprit », dit que pendant cette guerre, j'ouvre les guillemets, « l'oscillation du navire a été si forte que les lampes les mieux suspendues se sont à la fin renversées ». On est à l'époque de la grippe espagnole, 50 millions de morts, et malgré la victoire de la France, il entend ainsi souligner que nous sommes encore dans une grande obscurité pour comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé, et encore davantage pour anticiper. Il ajoute, lorsqu'il s'agit d'un ensemble aussi complexe, la difficulté de reconstituer le passé, même le plus récent, est toute comparable à la difficulté de construire l'avenir, même le plus proche. Ou plutôt, c'est la même difficulté. Finalement, le prophète est dans le même sac que l'historien. Laissons-les-y. Donc, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui extrêmement perplexes, tous. On voit un retour des idées latentes, parfois les plus vieilles, les meilleures comme les plus dangereuses. Regardez toutes les tribunes qui se publient dans la presse aujourd'hui, de la part de consultants, d'hommes politiques, d'universitaires ou de porteurs mandatés par différents lobbies. Il est difficile d'y voir clair. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour les citoyens, c'est vrai aussi pour le gouvernement. Alors, je partage le point de vue de mon collègue économiste Gaël Giraud, directeur de recherche à l'Institut de recherche et de développement. Il considère que le pluralisme des savoirs est nécessaire et il nous alerte sur le fait qu'il ne faut pas laisser aux économistes la prédominance du point de vue. Je crois qu'il a raison. Pour autant, le point de vue économique doit être exprimé. Et la responsabilité citoyenne des économistes demeure d'apporter dans le débat la connaissance économique. On est moins sensible aujourd'hui au coût de la crise économique, mais on va le devenir très rapidement et certains en subissent déjà des conséquences très, très lourdement. Sur le plan économique, les résultats sont plutôt négatifs et donc on est sur la phase de redémarrage. Alors le confinement a un coût. On reparlera tout de suite du coût économique, mais il faut bien voir qu'il a d'autres coûts qu'économiques. Les coûts éducatifs, les coûts culturels, les coûts relationnels et affectifs, et même des coûts médicaux. Si l'on en juge par les effets aujourd'hui, il y a un effondrement du recours aux urgences, des accès aux médecins. Les patients qui ont des maladies chroniques se soignent moins bien, ont peur d'aller à l'hôpital pour tout un tas de raisons, et on peut les comprendre. Donc, il y a déjà des effets indirects qui vont se produire, notamment en termes de santé. On le sait aussi dans le domaine de la psychiatrie. Alors, il faut déconfiner pour sortir des problèmes économiques majeurs et qui vont s'aggraver si on reste dans le confinement. Si on voulait éviter tout risque, il faudrait attendre le vaccin pour sortir du confinement. Je vous laisse imaginer le coût économique et il est évident qu'on ne peut pas se permettre ça. Il faut essayer de le faire de la manière la plus prudente possible, mais cela va forcément reproduire des contaminations et probablement des besoins d'hospitalisation et malheureusement aussi des décès. Mais je ne vois pas comment on pourrait en faire autrement. Maintenir le confinement jusqu'à la découverte du vaccin aurait des conséquences économiques, mais aussi en termes de santé et même d'autres décès au moins aussi graves. Alors, sur le plan des conséquences économiques, nous n'avons pas beaucoup d'expérience en la matière. Si l'on fait référence aux crises du XXe siècle, la crise de 1929, les crises financières de 2008 et 2009, la crise pétrolière de 1975, ça fait beaucoup d'échantillonnage. L'ampleur de la dépression, c'est-à-dire de la baisse de l'activité économique, Elle sera vraisemblablement de l'ordre de 10%, me semble-t-il, sur l'année 2020. C'est considérable. Jamais nous n'avons connu cela depuis 50 ans, 60 ans. Et il faut savoir, si on prend la dernière crise de 2008, que nous avons récupérée en termes d'activité, mais que nous avons augmenté dans la plupart des pays, notamment l'Allemagne. En France, on a fait plutôt un peu mieux, mais on a augmenté les inégalités. Et par conséquent, on ne peut pas dire que ce soit au retour à la situation d'avant 2008, puisque nous avons, en termes d'activité économique, une situation voisine, mais nous avons, en termes d'inégalité, une société plus fragmentée. Daniel Cohen, un collègue économiste, a publié récemment une tribune dans Alternative économique où il prend une comparaison qui me paraît intéressante. Finalement, la situation sanitaire l'amène à une comparaison éclairante. Le confinement, dit-il, met en quelque sorte notre économie en hibernation, en coma artificiel. Mais c'est volontaire pour éviter les risques sanitaires. La crise de 2008-2009, elle n'est pas volontaire. Elle vient d'un choc extérieur. La crise de 29, elle n'est pas volontaire. Là, pour la première fois, ce sont des décisions politiques qui ont provoqué, alors peut-être qu'il y en avait sans doute, il n'y en avait pas d'autres, hein, mais qui ont provoqué cette crise. Donc ça, c'est tout à fait inédit. Un tiers de la population active est en incapacité de travailler. Le confinement, clairement, aggrave déjà les inégalités. Conséquent, les dégâts sont déjà présents. Et le gouvernement est conscient des risques économiques et sociaux. Par des mesures coûteuses qui vont augmenter significativement la dette publique, il tente, à la fois du côté de l'offre, en soutenant les activités économiques et les entreprises, et du côté de la demande, en soutenant les revenus des ménages, il tente de soutenir le niveau de l'activité économique. Ce sont des opérations sans précédent. La manière et le délai avec lequel le déconfinement, en limitant les risques pour la santé, va se faire, conditionne la reprise de l'activité économique. Elle ne sera pas en V, ça c'est sûr, c'est-à-dire que ça ne va pas repartir très rapidement. Mais il faut arrêter le plus rapidement possible la baisse de l'activité économique dans laquelle nous sommes engagés. C'est pour ça que je comprends que le MEDEF soit impatient, bon, en même temps, hein, mais il n'est pas le seul à être impatient. Beaucoup de gens souhaitent retravailler, beaucoup de gens souhaitent sortir du déconfinement. Donc c'est un impératif incontestablement politique que de sortir du dévitement, d'arrêter la baisse de l'activité économique et de permettre le redémarrage. Il y aurait une perte de richesse. Je vous dis 10%, c'est considérable, quelques centaines de milliards d'euros, donc c'est pas un détail. Il va falloir le répartir, ce coût. Pour le moment, il est mal réparti. Il y a des gens qui profitent de la crise. Il va y avoir des déficits publics énormes et sociaux énormes, parce qu'on aura plus de dépenses, y compris pour soutenir l'activité économique, et moins de recettes. Et par conséquent, le déficit public, on parle de 6-7% du PIB, j'ai bien peur qu'on soit encore un peu au-delà. Déficit pour l'État, déficit pour les collectivités territoriales, déficit pour la sécurité sociale. Les efforts qu'on avait faits pour nous rapprocher d'un équilibre et d'une meilleure gestion vont être rapidement compromis. Alors, les retraités sont des rentiers. Je connais la situation puisque c'est la mienne. Peut-on vraiment imaginer que la crise n'ait aucun impact sur les retraités et sur les retraites? Je crois qu'il ne serait pas normal que certaines générations échappent à l'effort qui va être nécessaire pour remettre d'aplomb notre économie, notre société. Et il faut le faire. Alors, c'est pas très facile à faire politiquement. On s'en doute bien. Électoralement, les personnes âgées représentent un poids non négligeable. Et en plus, il faut le faire en n'aggravant pas la situation d'une partie des personnes âgées, entre un quart et un tiers, qui avaient déjà des ressources limites, très insuffisantes souvent, même parfois, pour faire face à leurs besoins. Et par conséquent, ça ne peut pas concerner cet effort, l'ensemble des retraités. Mais il est logique qu'on se pose cette question. Alors, il faut s'attendre à des résistances quant aux efforts collectifs nécessaires, notamment quant aux efforts contributifs. Mais il faut s'attendre aussi à ce que toutes les dépenses sociales et publiques soient mises en concurrence plus fortement. Et là, ça concerne l'ensemble du secteur social. Les dépenses publiques seront donc nécessaires, mais elles ne peuvent pas être indéfiniment augmentées. Nous avons eu le malheur de perdre un de nos collègues, comme la presse en a parlé, Claude Le Pen, qui était l'un des meilleurs économistes de la santé. Il est mort il y a une dizaine de jours. Je le connaissais un peu, puisque j'ai participé au Collège des économistes de la santé. Il a une phrase que je voudrais reprendre. Il dit « Il n'y a pas de comportement plus anti-éthique, plus contraire en quelque sorte à la morale, que de disposer des ressources de la collectivité sans s'interroger en conscience, ne serait-ce qu'un moment, sur les usages alternatifs qu'on pourrait en faire. » Il y a une allergie latente en France à tous les prélèvements obligatoires. Ce qui fait que la plupart des partis politiques hésitent à dire qu'il faut augmenter les impôts, même quand ils savent qu'il faut le faire. Alors à qui la faute? Est-ce que c'est aux citoyens? Est-ce que c'est aux partis politiques? Je ne trancherai pas. Aujourd'hui, à 20h, beaucoup d'entre nous applaudissent les soignants et souhaite leur reconnaissance. Mais il faut qu'ils gardent à l'esprit que si on veut reconnaître ces métiers de l'aide à domicile, du soin, du care, ben il faudra mieux les rémunérer. Et que si on veut mieux les rémunérer, ce sera davantage de dépenses pour la sécurité sociale, donc davantage de cotisations, ou davantage de dépenses pour les départements ou pour l'État, donc davantage d'impôts. Et par conséquent, en économie, vous savez, en économie, on est toujours amené à balancer. Je vous disais tout à l'heure, quand il y a une dépense publique, on ne peut pas ne pas se poser la question « Et si on avait fait autre chose avec l'argent ?» Donc le coût d'opportunité, on est toujours amené à faire ça. La schizophrénie pour un peuple en économie, c'est une maladie mortelle. Évidemment, si l'on croit que la concurrence résout tous les problèmes, on va oublier qu'elle attise les rivalités, qu'elle n'aide pas à comprendre le point de vue légitime des autres. Les hommes politiques que l'on qualifie parfois un peu rapidement de populistes, mais qui sont finalement assez nombreux et dans de nombreux partis, quand ils pratiquent la recherche commode et sans fondement de boucs émissaires, empêchent le développement de notre intelligence collective et le courage de nous remettre en question. Il faut pourtant partager intelligemment et équitablement les efforts, et donc il faut être capable de dépasser la seule vision de nos intérêts particuliers, individuels, certes légitimes, mais il faut parvenir à la compréhension des intérêts des autres. Ce n'est pas facile, pas plus pour moi sans doute que pour vous ou que pour la plupart de nos citoyens. Mais c'est nécessaire. Sur ce point, chaque peuple a les hommes politiques qu'il mérite. Il serait trop facile d'accuser aujourd'hui notre classe politique. Elle a eu des fautes, incontestablement, que ce soit ce gouvernement ou ceux qui l'ont précédé. Il faudra en parler, c'est normal. Mais on ne peut pas se décharger si facilement de nos responsabilités en accablant une classe politique qui, sur ce point, et je parle notamment des impôts, répond souvent aux attentes que nous exprimons tous, collectivement. Les associations, dans le rôle important qu'elles jouent en termes d'éducation populaire, ont une responsabilité particulière pour faire comprendre, certes, qu'il y a des problèmes sociaux, mais que pour résoudre ces problèmes sociaux, il faut des moyens financiers, et que pour avoir ces moyens financiers, eh bien, il faut partager les efforts pour les dégager. Il s'agit de pognon, petit. Le reste, c'est du bavardage. Et combien d'argent il te faut? Combien, c'est pas la question, Bud. C'est comme à la balançoire, un jour tu montes, un autre jour tu descends. L'argent en soi n'est pas gagné ou perdu, il est simplement transféré d'une poche à une autre poche, voilà tout. C'est comme un tour de magie. Le capitalisme triomphant. Assez pour toi, c'est combien? Je sais que c'est à la mode aujourd'hui, le monde de demain ne sera pas comme celui d'avant. Je l'espère, quoique je n'en sois pas sûr. Je vais vous dire pourquoi je n'en suis pas sûr d'abord. Parce qu'on va tellement, et certains d'entre nous encore plus que d'autres, souffrir de cette crise économique qui ne va sans doute pas durer très longtemps, mais qui va être très forte, que l'espoir de beaucoup d'entre nous, légitimement, ça va être de redémarrer, de partir, de retrouver un peu d'air, de retrouver des ressources, des moyens, des marchés, une activité, un rôle, une... Et par conséquent, cette pression de l'urgence et de revenir à la normale peut également nous donner des œillères et inverser les priorités nécessaires. Donc le risque que le monde d'après ressemble beaucoup au monde d'avant ne peut pas être complètement écarté. Alors la première leçon que les événements m'inspirent, c'est celle-ci. Il faudrait que nous nous émancipions les uns et les autres, individuellement et collectivement, de l'hégémonie d'une forme de pensée économique qui s'est progressivement insinuée dans nos esprits, dans les médias, dans nos institutions et même dans notre culture. Le premier libéralisme, le libéralisme traditionnel, vise, c'est bien connu, à limiter l'intervention de l'État, à contenir celui-ci au minimum. Au contraire, le néolibéralisme s'appuie sur l'État pour transformer la société, pour rééduquer les peuples et les adapter à ce qu'ils pensent être les besoins de l'économie qu'il envisage essentiellement soumise aux lois du marché et non pas du tout régulée par l'ordre politique. Pour les tenants du courant libéral, la dynamique de l'économie, l'évolution technologique s'accélère, tout le monde en est d'accord, et cela conduit à des changements, là aussi on est d'accord. Mais ces changements sont-ils inéluctables? Pourquoi faudrait-il en économie qu'il n'y ait qu'une seule solution, s'adapter aux nouvelles contraintes économiques, alors qu'on peut s'interroger sur le bien fondé de certaines d'entre elles et essayer de les transformer? Le néolibéralisme refuse de transformer les contraintes économiques, il les accepte. Et donc, il renvoie à l'appareil politique l'obligation de rééduquer les peuples pour qu'ils soient plus compliants, mieux adaptés à la nécessité économique. Pour les néolibéraux, cette observation du conservatisme des peuples, contrairement aux élites économiques éclairées qui voient bien que le changement est nécessaire, j'allais dire entre parenthèses, d'autant plus qu'elles n'en supportent pas vraiment les conséquences. Le peuple, lui, n'en supporte les conséquences, évidemment, il a un point de vue un peu différent. C'est pour cette raison que les néolibéraux craignent que la démocratie et le choix libre du peuple n'aboutissent pas aux bonnes décisions politiques. Pour les néolibéraux, il faut limiter la démocratie. Et notamment, les règles économiques doivent être d'ordre constitutionnel et même pas soumises au débat politique. Ils veulent une démocratie non absolue, mais limitée par des règles économiques. C'est ce qu'on appelle en Allemagne l'ordolibéralisme. Et malheureusement, l'Europe s'est construite sur le même thématique, sur le même principe. Et c'est quelque chose qu'il va falloir réviser. La construction européenne comme un marché où les règles économiques sont intouchables et où il faut s'adapter aux règles économiques et non pas les maîtriser, est une erreur. La deuxième conséquence, c'est que les interventions publiques dans la matière de l'éducation, dans le domaine du droit du travail, dans le domaine de la culture, de la protection sociale, doivent être orientées avec l'adaptation des individus au contexte économique. Alors en France, on est des mauvais élèves pour le néolibéralisme, pour différentes raisons politiques, historiques, qu'il serait trop long d'analyser, nous avons été plus rétifs que d'autres. Et vous rappelez les discours au moment de la campagne présidentielle, la France est en retard. Plusieurs candidats à la présidence de la République, dans plusieurs partis, ont développé cette thématique. Il faut favoriser son adaptation. Et donc, nous étions engagés, quels que soient les résultats des élections, au moins par plusieurs des candidats potentiels, dans cette voie néolibérale. Et par celui qui a été élu, incontestablement. Regardez les thématiques du discours. Il faut faire la révolution, c'est le titre de l'ouvrage programme du président Macron, et que nous a-t-on parlé du nouveau monde auquel il fallait s'adapter, dans lequel il fallait plonger. Nous nous sommes inscrits dans cette vision. Cette vision néolibérale, elle n'est pas récente, elle date des années 20. Et c'est l'intérêt aussi du travail de Barbara Stiegler. Le débat, il s'est noué dans les années 20. C'est les mêmes thématiques qui étaient évoquées à cette époque-là. Et il y a eu un travail de lobbying considérable qui a été entrepris par les défenseurs de ce néolibéralisme. Ça a commencé aux États-Unis et ça s'est présenté déjà avant la guerre 39-45 sous une forme néolibérale. Ils opposaient l'économie planifiée, collectiviste, disons l'URSS pour aller vite, au libéralisme classique où l'État ne fait rien, il laisse faire. Pour proposer quoi ? Une troisième voie où l'État fait pour rééduquer les peuples en les adaptant à la nouvelle contrainte économique. Et donc, c'est ça qui a été proposé. Après la guerre 39-45, la création des États-providence, en gros, les systèmes de protection nationaux de protection sociale, ont été vécus comme une défaite par le camp néolibéral. Ça l'était. Ça n'était pas le marché qui répondait aux besoins, mais la puissance publique, la loi, le droit, la protection sociale. Donc, tout faux. Et l'un de ces néolibéraux, Friedrich von Hayek, à parler du mirage de la justice sociale. Vouloir faire la justice sociale, c'est une erreur, c'est un leurre. Il faut laisser le marché organiser tout. Voilà le point de vue qu'il est défendu. Alors, ce point de vue néolibéral a subi un échec considérable. Les 30 glorieuses sont les 30 années malheureuses du néolibéralisme. Mais à partir des années 70, il a relevé la tête. La trilatérale, l'expérience de Pinochet, des Chicago Boys au Chili, ont permis de mettre en place des programmes néolibéraux. L'arrivée de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, de Ronald Reagan aux États-Unis, ont mis en place des programmes manifestement d'inspiration néolibérale. Et l'UE, l'Union européenne, après le départ de Jacques Delors, s'est également engagée clairement dans cette voie néolibérale. Ça, c'est une erreur. Il faut incontestablement revenir en arrière. Parce que la question sanitaire actuelle est bien liée à cela. Vous me dites juste au titre de revenir à cela. Pour le dire vite, la conversion à cette forme de pensée nous a poussé à vouloir répondre toujours aux besoins d'une manière unique par la production de biens ou de services réalisés par des entreprises en concurrence sur des marchés et sans frontières nationales. C'est une forme de marchandisation généralisée pour tout et dans un cadre international. Cela s'est traduit en France plus récemment par les règles du nouveau management public. L'idée, c'est de faire fonctionner les administrations et le secteur public comme des entreprises. Dans le secteur social et médico-social, ça s'est traduit par des appels d'offres systématiques, plus généralement par une mise en concurrence entre les associations et avec les entreprises. Celles-ci ont été considérées comme de simples opérateurs économiques, mais plus du tout comme des partenaires ou des acteurs mobilisant les ressources autonomes de la société civile. L'engouement récent pour les entreprises sociales confirme la même orientation. Une entreprise gérée selon les canons de l'entreprise avec un entrepreneur, c'est mieux qu'une association gérée par un collectif d'administrateurs bénévoles. Au-delà, il y a une forme de réhabilitation de la logique lucrative et on se représente l'économie associative comme une économie de seconde zone, une économie Canada Dry. Est-ce que les associations vont être sommées de devenir des entreprises sociales ? Je n'exclus pas totalement cette hypothèse. Quant à l'hôpital, il a été mis sous contrainte d'être géré comme une entreprise, en minimisant ses coûts. Les EHPAD, le secteur de l'aide à domicile, et malgré toute une collection de lois sur le vieillissement, et indépendamment des alternances politiques, ils n'ont jamais reçu les moyens permettant d'assurer un fonctionnement satisfaisant et des rémunérations à la hauteur des personnels qui sont mobilisés pour les services qu'ils rendent. Toutes les autres contraintes, et singulièrement celles qui se réfèrent au principe de précaution, ont été moquées. On a ridiculisé le principe de précaution, vu uniquement comme un empêchement pour les entreprises de se développer. C'est aussi une des leçons actuelles. Avons-nous bien pris en compte le principe de précaution ? C'est un critère essentiel de notre responsabilité vis-à-vis des générations suivantes. Alors, Claude Le Pen a publié une tribune dans Le Monde qui peut-être passait à côté de votre attention, mais qui est intéressant. C'est la dernière fois qu'il s'exprime dans Le Monde avant sa mort. Et il explique très bien comment, à la suite de la grippe aviaire H5N1, un sénateur, les Républicains, Francis Giraud, a mis en place un projet de loi relatif à la préparation du système de santé à des menaces sanitaires de grande ampleur. Vous voyez, c'est tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Elle prévoyait deux dispositions. Elle a été mise en application. Le corps de réserve sanitaire, c'est-à-dire la possibilité de mobiliser les étudiants, les retraités du secteur santé pour venir donner un coup de main en cas de crise grave, ce qui a été fait dans certaines régions en tout cas, et la création d'un établissement public de réponse aux urgences sanitaires, les PRUS. C'est lui, les PRUS, qui devait acquérir, fabriquer l'importation, le stockage, la distribution de produits et services nécessaires à la protection des populations face aux mesures sanitaires graves. Mais malheureusement, la crise H5N1, les précautions que Roselyne Bachelot avait à juste titre prises, utilisant le principe de précaution, et se sont avérées inutiles, j'allais dire, heureusement, hein, mais elles auraient pu être utiles. Mais on en a tiré comme conséquence que c'était des dépenses superflues. La Cour des comptes a tapé sur les doigts du gouvernement. Et résultat, le gouvernement s'est convaincu qu'il fallait réduire la voilure dans ce domaine-là. Résultat, le budget de l'EPRUS, en 2007, c'était 280 millions d'euros. En 2015, 26, 27 millions. Donc, vous voyez, on a divisé par 10 le budget des Prusses. Impossible de renouveler les stocks de masques. Impossible de garder 1 milliard de masques en réserve. Ils savaient qu'au bout de 3 à 5 ans, ils sont périmés. Donc, il faut les renouveler. Si vous divisez par 10 le budget qui permet de les acquérir, eh bien, nous ne les avons pas et ils nous ont manqué parce qu'il fallait faire des économies. Et la Cour des comptes avait contribué à dire qu'il fallait faire des économies. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, cette décision était prise. Alors, les Prusses n'existent plus. Il a été intégré à Santé publique France, mais il est tellement petit au sein de Santé publique France que les missions qu'il devait exercer se sont atrophiées, comme on a pu le constater. Quand nous avions des commandes publiques de masques à l'époque, nous les adressions aux entreprises situées sur le territoire. Comme nous n'en avons plus fait de commandes, en tout cas aussi importantes, comme les hôpitaux ont été amenés à reconstituer les réserves, ben ils se sont approvisionnés au moins cher, et d'autant plus que leur budget était particulièrement contraint. Certains même étaient en déficit. Et donc, ils ont acheté chinois. L'une des dernières entreprises fabriquant des masques existant en France était dans mon pays natal, dans les Côtes-d'Armor, près de Saint-Brieuc. Elle était passée sous contrôle américain. Elle a fermé en décembre 2018. Personne n'a levé le petit doigt et pas l'État pour la défendre. Aujourd'hui, on se demande si elle est capable de repartir. Mais il y a les savoir-faire. On avait même l'entreprise. Aujourd'hui, on a du mal à créer 17 millions de masques par semaine. On n'y est pas encore parvenu. Et on a laissé se détruire le tissu. Tout ça, c'est le jeu du marché. Quand les produits... Même chose pour les produits pharmaceutiques et les réactifs. Ils sont moins chers en Chine, on achète chinois. Résultat, on n'a plus le savoir-faire en France. Personne n'a décidé cela. Mais nous avons accepté politiquement et collectivement la domination d'une seule logique, celle du marché concurrentiel. Il faut organiser une économie de marché, mais on ne peut donner tous les pouvoirs au marché. Une société de marché... C'est une société où tous les pouvoirs vont vers le marché. C'est ce vers quoi nous allions auparavant. Alors, mon propos ne vise pas l'abandon de l'économie de marché et pas davantage la remise en cause de la liberté d'entreprise. Ce sont deux ressources pour organiser une société dont les vertus sont réelles. Elles ne sont pas parfaites, mais les vertus sont importantes et qui peuvent produire croissance, richesse, beaucoup mieux que des solutions politiques, administrées, lourdes, qui ont été expérimentées dans d'autres pays et dont on sait les résultats. Ce qui est en cause, c'est l'idée que ces formes doivent régler l'ensemble du fonctionnement de l'économie et même de la société. Pour les néolibéraux, l'État est le problème et le marché, la libre entreprise, la solution. Malheureusement, ces idées sont simplistes. Elles ne correspondent pas à l'état des connaissances scientifiques fondées sur des données empiriques, historiques ou actuelles. Alors que sait-on ? Ce que l'on sait, c'est que le marché de compétition, le marché de concurrence, a de nombreux avantages irremplaçables. Mais il a aussi des défauts, il a aussi des défaillances qui font qu'il a besoin d'être encadré par des lois, des règles et des instances de régulation. Pas systématiquement, mais dans de nombreux cas. J'ajoute que les inconvénients du marché sont amplifiés aujourd'hui par l'accélération de l'entrée de nos économies dans le numérique, dans le capitalisme numérique. La crise actuelle l'a favorisé. On voit bien aujourd'hui, dans le domaine avec la fermeture des écoles, qu'il y a d'autres modes de transmission du savoir et de l'éducation qui peuvent expérimenter. On le voit bien aussi dans le domaine de la santé, qu'il y a d'autres modes pour établir un diagnostic médical, qu'on peut demander l'expertise à distance, à partir des scanners, à partir des radios, d'autres experts. Et donc, d'une certaine manière, le numérique va progresser davantage et il sera encore plus présent. On voit bien aussi qu'Amazon est prêt à remplacer une grande partie de nos commerces et de nos secteurs de distribution. Et le malheur dans cette économie du capitalisme numérique, c'est que le premier installé prend tout, ou en tout cas prend la majeure partie, c'est-à-dire qu'il crée des monopoles. Alors, ces nouvelles technologies, il faut les accepter, je ne suis pas sur ce plan-là inquiet, mais il faut bien voir qu'elles limitent la confiance qu'on peut avoir dans le marché. Vous voyez, par exemple, on voit bien qu'elles n'ont pas créé de gains de productivité, quasiment tous les économistes sont d'accord. Par contre, elles ont augmenté la pression sur les travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants ou auto-entrepreneurs, la pression n'a jamais été aussi forte. On sait aussi, depuis Jean Fourastier, que l'économie post-industrielle, alors ça nous concerne directement dans le secteur social et médico-social, On est dans le secteur de l'avenir, d'une certaine manière. Ça va être une économie de services et de services qui s'occupent des hommes, et beaucoup moins une économie de l'industrie ou de l'agriculture, du travail sur la matière. L'industrie aujourd'hui, c'est 12% du PIB français. L'essentiel, c'est des services, et souvent ce qu'on appelle des services relationnels. Les services relationnels, c'est les services où c'est le temps passé entre le client et le prestataire qui fait la qualité du service. Là, jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut comprendre, comment on peut préciser les choses, comment on peut expliquer au malade comment il doit se comporter. Or, ce secteur des relations de service, il est malade des coûts, comme l'a expliqué un économiste américain, William Baumol. Il n'y a pas de gain de productivité. Dans l'industrie, dans l'agriculture, on peut avoir des gains de productivité et donc baisser les prix. Dans le secteur des services, si au lieu de faire la toilette à deux personnes âgées à l'heure, j'en fais six, ce ne sera pas la même toilette. Là où il faudrait aider la personne âgée à faire elle-même ce qu'elle peut, mais ça prend du temps, voire la convaincre qu'il faut qu'elle fasse elle-même, on va le faire à sa place. Mais vous voyez, en termes d'accompagnement, le résultat n'est pas le même. Alors le numérique pourrait aider, les algorithmes, la dématérialisation pourraient aider, mais ils vont supprimer des emplois massivement. On ne peut pas laisser les marchés seuls réguler ces dynamiques. Vous voyez, ça fait froid dans le dos. C'est pour cette raison qu'on a besoin de l'État, de la puissance publique, de régulations diverses. Elles sont compliquées. L'État lui-même n'est pas toujours parfait. L'État et ses administrations ont des capacités d'organisation de la société qui sont incontournables, on ne peut pas s'en passer, mais ils ne sont pas toujours efficients. Il y a des faiblesses, il y a des pertes de coûts, et quand ils font des erreurs, c'est souvent des macro-erreurs. Finalement, ni l'État ni le marché ne sont à eux seuls le problème ou la solution. Ils sont à la fois l'un et l'autre, le problème et la solution. Un petit coup de blues, là. C'est pas le moment de se laisser aller. Tu sais de quoi j'ai envie ? D'un lit. Un petit lit bien chaud, dans une petite chambre propre. Charles Gide, l'oncle d'André Gide, l'écrivain, était économiste. Et c'est lui qui a été responsable, en 1900, du rapport sur l'économie sociale. Vous savez, l'économie sociale, on en parle un peu plus aujourd'hui, mais c'est également une réalité du 19e. C'est l'ancien monde, d'une certaine manière, même si je crois qu'en germe, il y a des choses intéressantes à retenir. Eh bien, il y avait à chaque exposition universelle un palais, à Paris, c'était même un palais de l'économie sociale, un des plus grands. 5600 exposants du monde entier qui venaient parler d'économie sociale en 1900. C'est-à-dire quoi ? L'innovation sociale. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la maladie, contre la pauvreté, pour améliorer les logements, pour s'occuper des personnes en situation de handicap, etc. Toutes les innovations sociales étaient présentées à ce salon. Ce n'était pas seulement les sciences et les techniques, mais aussi les savoir-faire humains en termes d'organisation. Alors, dans son rapport, Charles Gide, en 1900, il dit finalement « Les sources de la solidarité dans les sociétés humaines sont triples. » Il y en a trois. Et il distingue quoi ? D'abord, le patronage, c'est le mot de l'époque, c'est-à-dire les initiatives des entrepreneurs, des chefs de cordée, des riches philanthropes, pour améliorer la situation de leurs concitoyens grâce à leurs engagements économiques. Les fondations, aujourd'hui Bezos, Bill Gates, font la même chose, mais Rockefeller l'avait fait au début du XXe siècle et bien d'autres. La deuxième réponse, c'est ce qu'il appelle l'associationnisme. C'est-à-dire tous les projets collectifs, volontaires, de citoyens qui s'associent librement dans des coopératives, dans des mutuelles, dans des associations d'entraide, pour améliorer ensemble leur sécurité économique et répondre à leurs besoins sociaux. Et puis la troisième solution, qu'il ne faut pas oublier, c'est l'action publique, c'est-à-dire les effets que l'on essaye d'obtenir par la législation en matière de droit du travail ou par des institutions de sécurité sociale en organisant les citoyens, entre les citoyens, des formes de protection et de redistribution. C'est le système national de protection sociale, le système éducatif, etc., etc. Cette observation d'André Gide reste vraie. Et donc, l'histoire, ce ne sera pas entre État et marché, ce sera toujours cette combinaison complexe dans laquelle il y a un troisième acteur, Alors comment l'appeler ? Aujourd'hui, on parle de tiers secteur. Dans certains pays, on parle d'économie sociale et solidaire. On peut parler de secteur non lucratif. Parfois, on parle de société civile, les initiatives de la société civile. C'est un petit peu tout cet ensemble. L'État ne fonctionnerait sûrement pas de la même manière en l'absence de ces organisations volontaires et lucratives. Elles ont un triple rôle, en fait. Elles ont un rôle d'opérateur économique, c'est-à-dire qu'elles ne font pas que parler, protester. Elles agissent, elles transforment concrètement. Elles ont un rôle de mobilisation des ressources et des capacités de la société. Beaucoup des problèmes que nous rencontrons, beaucoup des problèmes de sociaux, à coup sûr les problèmes de santé, ils ne peuvent pas se résoudre sans la participation des personnes, sans leur engagement. Mobiliser les ressources des individus, les associer, les amener à coopérer, c'est aussi une réponse. Et puis, ils ont un troisième rôle qu'on oublie, qu'on aimerait oublier, un rôle critique. C'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. C'est ce qu'on appelle la fonction tribunicienne. Eh oui, ces associations, ces collectifs, dans le domaine de l'économie, dans l'environnement, c'est des lanceurs d'alerte collectifs. Et donc parfois mieux protégés que les lanceurs d'alerte individuels. Les associations ont des limites aussi, si vous voulez. C'est pour cette raison que je voulais vous dire, tout à l'heure je vous ai parlé des limites de l'État, des défaillances du marché. Le tiers secteur n'est pas parfait. Lui aussi a des défaillances. Et c'est pourquoi il vaut mieux jouer sur la palette des trois solutions et non pas croire qu'il y en a une qui est la meilleure. Pas plus les communs que les associations ne peuvent tout régler. Les mutuelles, les associations offrent des réponses adaptées, mais localement, pour certains groupes, de manière limitée. Leur capacité d'investissement, même renforcée par le bénévolat, est souvent insuffisante. Parfois, un complément apporté par des investisseurs privés, classiques, lucratifs et nécessaires. Pourquoi pas du secteur lucratif dans le domaine de la réponse aux personnes âgées ? On verra les performances relatives des uns et des autres. Mais il faut organiser cette concurrence pour qu'elle soit loyale. Et ça, les pouvoirs publics n'y veillent pas toujours. Certains objectifs sociaux que les associations ou les mutuelles ont poursuivis seraient mieux réalisés en passant le relais à l'État, à la loi. Sinon, ce ne seront jamais des vrais droits. Ça dépendra du fait qu'il y a des bénévoles qui se mobilisent, qui sont prêts, qu'il y a des philanthropes qui sont prêts à donner de l'argent pour. Ça n'est pas un véritablement droit. Je sais bien, à l'APF, pour avoir participé à la formation de certains directeurs, et pour avoir rencontré certains militants de l'APF, que vous êtes sensible à cette fonction de vigilance et aux droits, au respect des droits. Et par conséquent, ce n'est pas une panacée non plus, le tiers secteur. Et donc, je crois que l'avenir restera dans la mobilisation de ces trois sources de solidarité, nécessaires à la construction laborieuse, avec des erreurs, d'une société civilisée. Il faut maintenir cette économie mixte du social. Mais évidemment, pour la maintenir, il faut commencer par renoncer à l'erreur néolibérale. Il ne faut pas s'engager dans cette impasse où on veut tout régler par le marché, où on veut tout régler sur le mode de la gestion d'une entreprise. Ça, c'est une erreur. Si la crise actuelle nous permet de mieux comprendre la gravité d'un tel risque, le philosophe américain Sandel a publié un ouvrage dont la lecture pourrait vous éclairez beaucoup, c'est ce que l'argent ne saurait acheter. Ça a été traduit en français, c'est un petit livre de poche, ça doit coûter 8 euros à peine, mais vous ne regrettez pas, parce qu'il multiplie les exemples pour expliquer que si on laisse le marché régler tous les problèmes, alors nous allons vers la barbarie. Une société de marché, c'est la barbarie. La crise sanitaire, malgré son prix en termes de vie humaine, malgré le coût économique extrêmement lourd qu'elle va avoir, sera un mal, toujours, mais un mal qui aura eu au moins une vertu, c'est celle peut-être de nous amener à réaiguiller l'orientation de notre société. Là, les associations ont des cartes à jouer, mais à condition qu'elles le fassent en oubliant leurs intérêts particuliers aussi. On peut se demander si les pouvoirs publics, dans leur manière de concevoir la stratégie de sortie de la crise, ont bien présent à l'esprit que pour faire changer les choses, il faut le faire avec les syndicats, avec les associations, avec les représentants des usagers de malades, et pas seulement avec les intérêts économiques majeurs. Or, les intérêts économiques majeurs ont des moyens. Ils ont des moyens pour influencer les acteurs, pour influencer les experts, pour influencer les hommes politiques, et parfois même pour acheter des associations. Les exemples existent. Et par conséquent, C'est un travail où les associations doivent être vigilantes. Et c'est bien, les associations, souvent, notamment dans le secteur social et médico-social, affirment que ce qui compte pour eux, c'est la personne et leurs valeurs. Eh bien, parmi ces valeurs-là, le fait de bien poser les problèmes, de bien comprendre ce qui se passe, le travailler, le bien penser, c'est une exigence morale pour les associations. Et elles sont bien placées, je crois, parce qu'elles rassemblent des gens divers, de divers milieux sociaux, de diverses classes d'âge, de divers types de compétences. Et donc, elles peuvent constituer ce brainstorming, ce melting pot dans lequel on peut chercher des idées nouvelles, remettre en cause des idées toutes faites et par conséquent participer à la construction de la société future. Il n'y a pas que les chefs de cordée, il n'y a pas que les chefs d'entreprise, ils ont des rôles à jouer. On a besoin de bons chefs d'entreprise, on a besoin tout autant d'entrepreneurs de sens. C'est Jean-Baptiste de Foucault qui disait, on a besoin d'entrepreneurs économiques, mais aussi d'entrepreneurs de sens. Et dans ce domaine de l'entrepreneuriat du sens et des valeurs, les associations ont une partition à jouer, si elles en ont l'énergie, la force, et par conséquent, si elles continuent à rassembler, à mobiliser et à débattre entre elles.